Chapitre 4. Chacun d'eux tutoyant la même femme, il était naturel qu'ils se tutoyassent aussi. C'est une loi sociale analogue à cette loi mathématique qui veut que deux quantités égales à une troisième soient égales entre elles. Vois-tu, mon vieux, ça ne peut pas durer. Après la perte que nous avons faite, pauvre chéri, ils se serrèrent la main. Si nous ne réagissons pas, si nous ne nous défendons pas, moi, je te le déclare tout net, c'est fini. Nous sommes fichus. Pépin, sous prétexte qu'il n'a plus sa femme, pour nous recevoir, pauvre chéri, nouvelle poignée de main. Enfin, Pépin nous plaque, et salement. Salement, c'est le mot propre. En somme, sans parler de l'ami incomparable que nous pleurons toujours, nous avions des droits acquis chez lui. On ne mange pas pendant 15 ans, 2 fois par semaine, chez un monsieur, pour qu'un beau jour. Je ne dis pas. Pourtant, il faut avouer que nous venions surtout pour elle et pour nous, évidemment. Mais comme il n'en savait rien, il n'en a pas moins vis-à-vis de nous des devoirs sacrés. Or, ces devoirs, il cesse brutalement de les remplir, et si tu veux savoir le fond de ma pensée, Pépin se conduit comme un mufle. C'est un mufle, en effet. En ce qui me concerne, je ne te cacherai pas que je renoncerai avec peine à ces dîners du jeudi et du dimanche et que j'y trouvais beaucoup de charme, sans compter le reste. Moi aussi. Pépin a-t-il l'intention de se claquemurer ainsi chez lui définitivement? Ma foi, je le crains. Je l'ai rencontré mardi. Mon mardi. Crénom, pauvre chéri. Enfin, passons. Pour le tâter, je lui ai recommandé, comme médecin, de ne pas se confiner dans sa douleur, de se distraire. J'ai même eu l'air d'être inquiet de sa santé. Je lui ai dit que nous serions heureux de nous dévouer, de l'entourer de notre affection. Il m'a répondu qu'il préférait être seul du moment qu'il était privé d'une compagne qui embellissait son foyer et sa vie. Il la regrette, la belle Malice. Nous aussi, nous la regrettons, sa femme, et plus que lui, puisque nous sommes deux, pauvre chéri. Bref, ça n'a pas pris. Au fond, il est assez indélicat. D'accord. N'empêche que, tout délicat qu'il est, nous serions bien contents de reprendre chez lui ces réunions intimes qui nous plaisaient tant. C'est vrai. Ça ne serait plus aussi complet, mais nous retrouverions nos souvenirs et une bonne partie d'échecs. Il a d'excellents cigares. Et Annette fait le homard à l'américaine comme personne. Je ne peux plus en manger autre part que là, et je l'adore. Pauvre Elisabeth, ce qu'elle nous manque. Bon Dieu de bois! Nous ne pouvons pourtant pas nous marier nous-mêmes. C'est tellement moins agréable. Tandis que chez un ami, c'est là seulement qu'on se sent dans le véritable foyer, sans les embêtements, sans la dépense, une femme toujours de bonne humeur, les plats qu'on aime, son fauteuil préféré. Et puis non, tu sais, ta femme à toi, ou même la mienne, il me semble que ça serait impossible. Avec lui, ça m'allait si bien. Je te crois. Malheureusement, tout ce que nous disons n'est rien. On ne peut pas le forcer à nous recevoir, si ça ne lui convient plus. Il est têtu comme un âne. Ça ne lui convient plus parce qu'il est seul et qu'il n'aime pas s'occuper des autres. Sais-tu ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'il se remarie, cet animal-là. Mais malheureux, il est au désespoir d'avoir perdu une femme qu'il adorait. Il ne pouvait pas s'en passer. Il bluffe peut-être. Il a toujours été un peu théâtral. Mais quand même. Moi aussi, j'avais une montre que j'ai perdue, et c'est justement parce que je ne pouvais pas m'en passer que j'en ai acheté une autre. C'est peut-être vrai, ce que tu dis là. Pour sûr. Seulement, à supposer qu'il marche, c'est pas facile de dénicher le pendant d'Elisabeth. Pauvre chérie, si gentille, si douce, et qui nous aimait tant, et désintéressée. Quand on lui faisait un petit cadeau pour sa fête, on se mettait à deux, et elle remerciait séparément. Et appétissante avec sa peau fraîche. Et son joli petit signe sur le « oui » et ses 2 fossettes au-dessous du « et si peu exigeante ». Juste ce qu'il nous fallait. Du plaisir et pas de surmenage, pauvre chéri. Il faudrait faire comprendre à Pépin qu'il a besoin de se remarier. Même pour lui, je m'en charge. Hé, pas de blague. Il ne s'agit pas de l'allumer comme ça, en principe, pour qu'il aille s'appliquer une donzelle qui ne nous plairait pas. Non, non. Il faut choisir l'objet, le dresser et le lui présenter en liberté. Et on recommencerait sa bonne petite existence. Tu parles. Dis donc, si ça t'est égal. J'aimerais mieux changer nos jours et prendre le mardi. Le vendredi, je fais maigre et dame, le maigre, sa gaie remontant. Nous n'en sommes pas là, hélas. Enfin, ça va, nous cherchons. À partir de pas plus tard que tout de suite. Dis donc, ça ne te fera rien de tromper cette pauvre chérie, hein, si elle nous voit de là-haut. Elle ne nous voit pas, mon pauvre vieux. Et puis, si c'est parce que nous ne pouvons pas nous passer d'elle, nous non plus, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise ?